السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد حياكم الله جميعا en cette soirée du mercredi 25 شعبان 1431 de l'Hégire, ce qui correspond avec le 7 août 2010. Muslim, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Nous sommes, inshallah ta'ala, toujours avec des assises du Ramadan, le cinquième cours, inshallah ta'ala. Je crois que pour vous, le son est un peu faible, n'est-ce pas? Car je ne suis pas chez moi, naam. Je suis sur un autre micro. Naam. C'est pour ça que le son peut-être est un peu loin. Naam. Est-ce que yani, c'est audible ou là c'est pas audible? Vous pouvez écouter ce que je dis ou là, et comprendre. Vous comprenez ce que je dis ou vous ne comprenez pas? Naam. Donc aujourd'hui, inshallah ta'ala, on va parler de peut-être la chose la plus importante, c'est yani, quelles sont les choses qui annulent le jeûne. Quelles sont les choses qui annulent le jeûne. On va citer, inshallah ta'ala, 6 choses, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. La première, le fait de boire ou de manger intentionnellement, amdan. Le fait de boire ou de manger intentionnellement entre yani, le lever du soleil jusqu'à son coucher. Si quelqu'un va manger intentionnellement même quelque chose, même si elle est vraiment petite, même si c'est quelque chose qui ne se mange pas, comme un caillou par exemple, ou là, un moustique, il va le manger, il va manger une mouche, ça ne se mange pas. Mais si jamais il le mange intentionnellement, entre le lever du soleil et le coucher, il a annulé quoi? Il a annulé son siyam. Une seconde, inshallah ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, si quelqu'un maintenant va manger, siyamo, yani il fait exprès, il va manger, naam, il ne pourra pas, comme pensent beaucoup de gens, il ne pourra pas yani, rattraper le jour. Car certains vont croire qu'il va jeûner yani, 2 mois consécutifs et que, inshallah ta'ala, ça va lui suffire pour le jour qu'il a manqué. Non. Mais les savants disent que yani, c'est impossible que ça se fasse. Il y a même un athar des salafs qui disaient quoi? Il y a quelque chose qu'on rapporte des salafs qui disaient que si quelqu'un mange un jour, non, yani, sans excuse, il ne pourra pas le rattraper, même s'il jeûne toute sa vie. Donc si jamais quelqu'un, yani, ou l'ayyadu billah, le shaitan, yani, l'a eu et yani, l'a fait manger, qu'est-ce qu'il doit faire? Non. Cette personne doit faire, yani, tawba, doit faire le repentir qui remplit yani, les 5 conditions que vous connaissez. Il doit faire un repentir sincère pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Quant à sommer 2 mois, quant à jeûner 2 mois consécutifs, ça ne se fait que dans le cas où l'annulation du jeûne a été faite par rapport charnel. Rapport charnel. Mais si c'est par manger, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ça c'était premièrement. Donc premièrement, est-ce que tu as écrit muslim? Premièrement, boire, manger et boire, non, intentionnellement. J'attends, inshallah ta'ala, que tu écrives. Muslim, est-ce que tu es avec nous? Muslim. Taïb. Est-ce que tu m'as entendu quand j'ai dit que si c'était possible, tu écrivais les titres? Non, j'ai dit premièrement, boire, tu as écrit? Je vois pas. Non, Allah, je vois rien. C'est pas écrit chez moi. On va demander à une autre personne. Voilà. Maintenant, ça se voit. Manger et boire intentionnellement. Barakallahu fik. Non, ça se voit maintenant. Taïb. Donc, je répète, la kafara de quoi? Manger et boire intentionnellement. C'est quoi sa kafara? Il n'y a pas d'expiation. L'expiation, c'est de faire le repentir sincère, inshallah ta'ala. Deuxièmement, ce qui annule le ramadan, c'est le rapport charnel, ou bien, si je puis dire, la cohabitation. Donc, écrit, inshallah ta'ala, le rapport charnel. Alhamdulillah. Donc, si jamais il y a un rapport dans le couple, pendant le ramadan, ou même si c'est pendant nafila, même si c'est pendant un jeûne qui est surérogatoire, c'est tout. Dans ce cas, bien sûr, le jeûne est annulé. Maintenant, si c'est surérogatoire, nafila, là c'est annulé, c'est pas la peine de rattraper le jour si on ne veut pas. Mais par contre, si c'est pendant le ramadan, naam, alors là, on a fait des choses vraiment graves. La première, on a fait un grand péché. Deuxièmement, on a annulé le siyam. Troisièmement, il faut faire yani, le repentir. Repentir qui se situe au niveau du cœur. Quatrièmement, ce jour-là, il faut arrêter de manger. Il ne faut pas dire, puisque j'ai fait le rapport, j'ai annulé, donc classe, je vais continuer à manger et je vais faire l'expiation après. Non, il faut arrêter et ne rien manger. Non. Et cinquièmement, il faut quoi? Il faut l'expiation. Et l'expiation, comme vous savez, c'est quoi? C'est d'affranchir un esclave. D'affranchir un esclave musulman s'il y en a. S'il n'y en a pas, alors il devra jeûner 2 mois consécutifs. 2 mois consécutifs. Et il ne s'arrête que, yani il ne s'arrête du siyam, que s'il a une excuse. Par exemple, c'est l'Aïd, il n'a pas le droit de jeûner. Ou alors, il est en voyage. Ou alors, il est malade. Dans ces cas, s'il s'arrête de jeûner, qu'est-ce qu'il fait après? Il reprend. Là, quand yani, l'excuse elle, il s'arrête, il reprend. Et il continue. Mais par contre, si jamais il arrête de jeûner sans raison valable, comme il dit par exemple, demain je ne vais pas jeûner. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend l'expiation à zéro. À chaque fois qu'il annule, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend à zéro. Non. D'ailleurs, comme j'ai dit, donc, si affranchir un esclave, sinon. Jeûner, sinon yani, nourrir. Naam. S'il ne peut pas, qu'est-ce qu'il fait? Alors il est obligé de. Afoun. Naam. Il commence par affranchir l'esclave. S'il ne peut pas, alors il doit jeûner 2 mois consécutifs. Naam. S'il ne peut pas, bien sûr, il reste quoi? Il reste la solution de faire nourrir yani, 60 pauvres. De faire nourrir 60 pauvres. Naam. Et vous connaissez tous le hadith qui se trouve dans Sahih Muslim, qu'un homme a cohabité avec sa femme pendant le ramadan, et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est allé à lui demander qu'est-ce qu'il doit faire, il lui a dit, est-ce que tu peux affranchir un esclave? Il lui a dit qu'il ne pouvait pas. Il lui a dit, alors est-ce que tu peux jeûner 2 mois consécutifs? Il a dit qu'il ne pouvait pas. Alors il lui a dit de yani, faire nourrir 60 pauvres. Troisième chose, la chose qui annule aussi le jeûne. Là, avant de passer à cela, j'ouvre une parenthèse pour dire que quand on a dit que le rapport charnel annulait le jeûne, cela ne veut pas dire que yani tout le rapport charnel. Mais si c'est même le début, ça annule le jeûne. Si c'est même le début, c'est-à-dire commencer, par exemple, et s'arrêter, ça annule le jeûne. Ça ne demande pas obligatoirement d'arriver jusqu'à la fin, jusqu'à ce que l'eau, qu'on appelle l'eau, sorte de l'homme. Non. Dès qu'il commence la chose, S'il y a pénétration, khlas, il a annulé son jeûne et c'est l'expiation qui l'attend. Non. Maintenant, troisièmement. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Fais sauf. Alhamdulillah. Donc, on va essayer, inshallah ta'ala, 5 minutes. Si ça ne marche pas, je vais éteindre le portable ici et essayer de recommencer. Non. Pour l'instant, est-ce que vous m'entendez bien pour l'instant? Alhamdulillah. La troisième chose qui annule le jeûne, c'est le fait. Yani le fait de faire, si je puis dire, sortir inzal ou le mani bikhtiyari, le fait qu'il fasse sortir son eau, intentionnellement, le fait qu'il fasse sortir son liquide, le fait que l'homme fasse sortir le liquide, intentionnellement, que ça soit par exemple, en embrassant par exemple son épouse pendant la journée du Ramadan, ou bien que ça soit par exemple qu'il fasse la chose avec sa main, Al-Muhim, s'il fait descendre le liquide spermatique, s'il le fait descendre intentionnellement, sans rapport charnel, que ce soit en jouant avec sa femme, que ce soit en l'embrassant, que ce soit avec sa main, Al-Muhim, s'il a fait sortir le liquide intentionnellement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ici un grand péché et il a annulé son jeûne. Et le délit, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le hadith Qudsi, il a dit يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَبَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي. Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de son serviteur, il a dit que il délaissait son manger, son boire et sa tentation, son désir à cause de moi. Ça veut dire voilà ce que doit faire le jeûneur. Mais celui-là, puisqu'il n'a pas délaissé sa tentation, donc celui-là, il n'a pas jeûné. Taïb, musulman, est-ce que vous m'entendez? Et vous n'avez pas écrit le troisième mot. Naam. Taïb, écrivez troisième mot. Faire couler, ou la faire sortir, le liquide spermatique, intentionnellement. Voilà. Donc ça aussi, ça annule quoi? Ça annule le jeûne. À part, quelle est la différence maintenant entre cela et le rapport charnel? La différence, c'est que si on fait le rapport charnel, on a fait un grand péché, et en même temps, on a l'expiation de 2 mois. Quant à, dans cette situation, si on fait sortir le liquide sans rapport charnel, on a fait un grand péché, et l'expiation n'est pas du même avis. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Muhim, quant à si quelqu'un, par exemple, embrasse son épouse, si quelqu'un embrasse son épouse, non, sans que ce liquide dont je viens de parler ne lui sorte, non, dans ce cas, il n'a pas fait un péché. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'après le hadith de Aïcha, non, qu'il embrassait ses épouses alors qu'il était yani, en période de jeûne. Mais il disait, quiconque de vous yani, peut se retenir comme moi. Quiconque de vous peut se retenir comme moi. C'est pour ça que dans un autre hadith qui se trouve dans Sahih Muslim, car le premier hadith de Aïcha se trouve dans Bukhari Muslim. Quant à celui-là, il se trouve dans Sahih Muslim que un sahabi radiallahu ta'ala a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam est-ce que le jeûneur pouvait embrasser? Naam. Ça coupe de nouveau. Ça y est. J'aime pas quand il y a des coupures. Hein? J'aime pas quand il y a des coupures. Qu'est-ce qu'on va faire, inshallah ta'ala? On va éteindre, non, on va éteindre l'ordinateur et on va le faire démarrer de nouveau. Peut-être, inshallah ta'ala, que ça va donner quelque chose, car pour la prochaine fois. Là, avec un fil. Avec un fil. Tayyip. Salam alaykoum wa rahmatoullah. Et ça, Alhamdoulilah, donc on va essayer une dernière fois. Si ça marche pas, non, si ça marche pas, on va quoi? On va, inshallah ta'ala, laisser le cours pour la prochaine fois. Parce que j'aime pas faire un cours quand il y a des coupures. Ensuite, les gens comprennent mal. Des fois, je dis, il y a kafara, il y a expiation. Les autres vont comprendre, il n'y a pas expiation. Mais je dis le contraire. Je dis par exemple, il ne rattrape pas. Ils vont comprendre, il rattrape. C'est vraiment grave. Non. Le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, c'est pendant le Ramadan. Non, pendant les veillées. Par exemple, mercredi et samedi. Non. On va laisser notre emploi du temps pour la veillée après Taraweh. Et des fois, Taraweh, c'est tard chez vous. Hein. À quelle heure c'est Taraweh chez vous? À quelle heure ça se termine Taraweh chez vous? Vers minuit. C'est-à-dire vers 23 heures chez nous, ça? Non. Le mohim, qu'est-ce qu'on va faire? Le mohim, pendant le Ramadan, Inch'Allah Ta'ala, pendant le Ramadan et pendant les veillées, comme j'ai dit, non. Moi, quand je rentre, Inch'Allah Ta'ala, et je fais par exemple le cours, ou là je fais un concours, ou là je fais n'importe quoi, ou là un rappel, ou là, celui qui n'est pas encore endormi et qui assiste, Alhamdoulilah, celui qui est fatigué ou là qui s'est endormi ou là, non, celui-là, il est excusé. Il n'est pas obligé d'assister. Hein? Non. Et il n'a pas d'expiation, inshallah ta'ala. Il n'a pas de kafara. Hein? Il va dormir et il assiste, inshallah ta'ala, une autre fois. Non. Est-ce que maintenant, il n'y a pas eu de coupure jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il n'y a pas eu de coupure? C'est mieux, alhamdoulilah. Et aussi, quand j'ai dit pendant le Ramadan, mercredi, samedi, c'est aussi d'autres jours. D'autres jours que je ne sais pas, quand je suis libre comme ça, un lundi, un mardi, un je ne sais pas quoi, quand je rentre la veillée, que je vous trouve, on fait yani, un rappel ou bien des questions-réponses ou bien n'importe quoi. Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Non. Donc on revient à la troisième chose qui était, yani, faire sortir le liquide spermatique, on avait dit que, d'après Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, que ça demandait l'expiation de ce jour et le repentir, et c'est un grand péché. Pour d'autres, comme Cheikh Al-Albani rahimahullah, que ça n'annulait pas le jour, et qu'il n'y avait pas d'expiation. Ensuite, on avait dit que yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait quelqu'un qui lui avait demandé que yani, si c'était permis d'embrasser pendant le ramadan. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, demande à celle-là, c'est-à-dire à son épouse Umm Salama radiallahu ta'ala anha. Alors quand il lui a demandé, elle lui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cette chose, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cette chose pendant le ramadan. Mais comme disent les savants, ils disent que yani, de préférence, surtout pour le jeûne, de ne pas yani, embrasser pendant le ramadan, car la plupart du temps, il ne peut pas se retenir. Ensuite, ça risque d'aller loin, ça risque d'aller à l'expiation, qui est quoi? Qui est 2 mois consécutifs. C'est pour ça qu'il y a un hadith qui est bon, Hassan. Hadith, autant, Cheikh Al-Albani rahmahullah a dit hadith Hassan, où un jeune est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, est-ce que je peux embrasser? Il lui a dit non. Ensuite, un vieux est venu et a demandé, il lui a dit oui. Ou bien le contraire, c'est-à-dire le vieux est venu d'abord, ensuite le jeune. Il a dit oui au vieux, il a dit non au jeune. Donc il faut faire la différence entre le jeune et aussi entre celui qui vient de se marier récemment. Celui-là aussi, s'il commence à embrasser, à jouer avec sa femme, ça risque de ne pas se terminer et de se terminer, comme j'ai dit, très gravement par yani, la kafara qui est 2 mois consécutifs. Et vous savez que ce n'est pas une chose facile, bidna ta'ala. Donc, pour être yani, prudent, il vaut mieux s'éloigner pendant la journée. Na'am, et inshallah ta'ala, il a, yani, après le maghreb, il est libre, bidna subhanahu wa ta'ala. Ensuite, quatrièmement, ce qui annule aussi, naam, c'est ce qui a yani, annule le jour du ramadan aussi, si on le fait intentionnellement, c'est les piqûres. Les piqûres, si je puis dire, nutritives. Naam, comment on appelle ça? Donc, quatrièmement, les piqûres, ou bien naam, ça doit, les piqûres nutritives, c'est ça. Naam. C'est toute piqûre. C'est toute piqûre que, yani, par exemple, avec laquelle on se pique, si elle contient quelque chose de nutritif, si elle contient de la nourrissant. Naam, c'est pas la nourrissant, c'est la nourriture, si elle contient de la nourriture. Naam, les injections nutritives. Par contre, les injections qui sont, naam, qui ne sont pas nutritives, elles sont permises. Toutes les injections qui ne sont pas nutritives sont permises. Qu'elles soient intraveineuses ou qu'elles soient au niveau de la cuisse ou bien n'importe où, elles sont permises. Une seconde, Inch'Allah. Salam alaikum. Donc, toutes les injections qui ne sont pas nutritives sont permises. Qu'elles soient dans n'importe quel endroit du corps. Ce qui est permis aussi, c'est par exemple les injections qui sont, disons, fortifiantes. Les injections qui fortifient. Quand une personne, par exemple, est faible, et on va lui mettre une injection qui fortifie, yani pour se sentir plus fort. Là, cette injection est permise, on dit les savants. C'est permis aussi l'injection de la pénicilline. Pour la personne qui doit prendre, par exemple, une pénicilline par injection. C'est permis, inshallah ta'ala, aussi, pendant le ramadan. Naam. Taïeb, attendez, on va voir ce qu'il a dit ici. Pénicilline. L'insuline aussi. Naam. Il a dit aussi l'insuline. Naam. Et aussi l'injection qui est contre la fièvre. On a la fièvre, on prend une injection. Naam. Donc, règle générale, toutes les injections sont permises pendant le ramadan, sauf l'injection nutritive. Voyez. Qu'est-ce qui est interdit aussi pendant le ramadan? Non, ce qui est interdit aussi, c'est le fait de se faire vomir. Non, le fait de se faire vomir. Al-istisqa'afoun. D'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit que quiconque, non, quiconque, alaykoum salam, quiconque, que yani, il vomit sans qu'il le veuille. Il a dit celui-là. Donc pour le vomissement, inshallah ta'ala, je répète, si quelqu'un vomit de lui-même, sans que ça soit qui le veuille, sans que ça soit lui qui le veuille, dans ce cas, il ne rattrape pas le jour. Naam. Mais si c'est lui qui se fait vomir, dans ce cas, il doit rattraper le jour bidna ta'ala. Le ghuraba, est-ce que vous m'entendez? Le ghuraba. Le ghuraba, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez compris pour le vomissement? Est-ce que vous avez compris pour le vomissement? C'est comme une personne qui est, par exemple, non? Taïb, je répète. Pour le vomissement, si quelqu'un vomit de lui-même sans qu'il le veuille, c'est pas lui qui veut vomir. Yani, le vomissement sort tout seul. Dans ce cas, il ne rattrape pas le jour. Il continue à jeûner, il rince sa bouche, il continue à jeûner. Non. Mais si c'est la personne qui elle-même se fait vomir, par exemple, elle rentre son doigt par exemple dans sa bouche et se fait vomir. Dans ce cas, elle doit jeûner, bien sûr, continuer à jeûner après s'être rincé la bouche et rattraper le jour. Cette personne doit rattraper le jour. Donc, alhamdoulillah, vous voyez, il y a une excuse pendant le ramadan. Il y a l'excuse de quand quelqu'un veut, yani, se sent qu'il veut vomir ou là qu'il a mal au ventre, qu'il a des nausées, qu'il se sent très mal. Alhamdoulillah, il a la permission de se faire vomir s'il veut. Mais à condition de quoi? De continuer à jeûner. Ce n'est pas, il va dire, je vais vomir, donc je vais manger, je vais rattraper. Il va vomir. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à jeûner, bidna ta'ala. Ensuite, il rattrape le jour. Non. Enfin, la dernière chose, non. Vous n'avez pas écrit cinquièmement le vomissement. Cinquièmement, le vomissement. Non, vous écrivez cinquièmement le vomissement. Non. Disons le vomissement, yani intentionnel. Non, le vomissement intentionnel. Car l'autre vomissement, non, yani, n'est pas, est permis bidna ta'ala. Voilà. Et enfin, sixièmement, non, sixièmement, les monstrues et les logis. Les monstrues et les logis. Si une personne, yani une femme, voit yani la venue ou voit la venue des, par exemple, des monstrues, non, 1 minute avant le coucher du soleil, dans ce cas, yani son jeûne est annulé et elle doit refaire le jour bi'idhnillahi ta'ala. Elle doit refaire le jour bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Tayyib, maintenant pour terminer, naam, on va dire une chose très vite, inshallah ta'ala, pour terminer. Les six choses que je viens de citer ici. Et on avait dit qu'elle annulait le jeûne. Naam. Ces six choses annulent le jeûne si elles remplissent trois conditions. Il faudrait que ça remplisse trois conditions. Et ces trois conditions, il faut bien les connaître et bien les apprendre. C'est une règle, inshallah ta'ala. La première condition, l'ilm, la science. Il faut que quelqu'un, hein, sache que telle chose, par exemple, hein, il faut que quelqu'un sache que telle chose, par exemple, annule le jeûne. Car s'il ne le sait pas, hein, s'il ne le sait pas, ça n'annule pas. S'il ne le sait pas, ça n'annule pas. C'est comme, par exemple, une personne qui croit que, hein, qui ne savait pas, qui croit que, par exemple, le coucher, le soleil ne s'est pas encore levé. Ce n'est pas encore le moment du fajr. Alors que, par exemple, il est 7 heures du matin. Et il ne sait pas. Et il va manger. Il va croire qu'il est 4 heures du matin. Et il va manger. Ensuite, il a appris que, il a appris, il a eu la science que quoi? Que yani, le Fajr, ça fait 2 heures qu'il est passé. Dans ce cas, est-ce qu'il va rattraper la journée ou pas? Il ne va pas rattraper. Pourquoi? Parce que la première condition, c'est d'avoir la science que telle chose, yani, qu'on est dans le moment où il faut jeûner, par exemple. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Rabbana la tu'akhidna in nasina ou akhta'na. Et la même chose, yani, rentre dans la science, si une personne ne sait pas que telle chose annule. Ensuite, il va faire la chose. Dans ce cas, ça n'annule pas. C'est comme si quelqu'un, par exemple, va se faire vomir. Il va rentrer ses doigts dans sa bouche, il va se faire vomir. Ensuite, on lui dit, pourquoi tu as fait ça? Ça annule. Il dit, je ne savais pas que telle chose annulait le siyam. Dans ce cas, on ne va pas lui dire, yani, de rattraper le jour. Pourquoi? Parce que pour que la chose annule, il faut que la personne sache que la chose annule. Non. D'ailleurs, c'est une règle générale. Pour que quelqu'un fasse le haram et pour qu'il ait les péchés, il faut qu'il sache que cette chose est haram. S'il fait la chose en croyant qu'elle n'est pas haram, donc il n'a pas fait de haram. C'est un peu, ça rentre aussi dans cette chose, le coffre. Si quelqu'un fait le coffre et il ne sait pas que cette chose, c'est du coffre, est-ce qu'on peut dire de lui qu'il est devenu kafir? On ne peut pas. Parce que il ne savait pas que cette chose, c'est du kofr. Il ne savait pas que cette chose, c'est haram. Donc, il a dit, c'est la première condition. La science. D'ailleurs, même au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois, ils ont mangé, comme c'est dans le hadith de Esma, dans Sahih Bukhari, ils ont mangé dans un jour où il y avait des nuages. Et ils ont cru que, yani, c'était pas encore par exemple le Fajr. Non. Et ensuite ils ont vu que le soleil s'était levé. Ils ont vu que le soleil s'était levé. Ou bien c'est le contraire. Non. Ils croyaient que le soleil ne s'était pas encore couché. Ensuite, quand les nuages se sont dissipés, ils ont vu quoi? Ils ont vu que le soleil était toujours là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas demandé de refaire le jour. Pourquoi? Car il y avait le djihad ici, ignorance. La deuxième condition, c'est quoi? C'est dhikr. Dhikr, c'est le fait de se rappeler. Non, le rappel. Pourquoi? Parce que je peux connaître qu'une telle chose annule le jeûne, mais j'oublie. Je donne un exemple. On vient d'apprendre que le vomissement intentionnel annule le jeûne. Mais maintenant, j'oublie. Cette chose m'est partie de ma tête. Je l'ai oubliée. Et j'ai mis mon doigt et j'ai commencé à vomir. Est-ce que je dois refaire le jour? Je ne refais pas. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas fait exprès. J'ai oublié. La même chose. Je viens d'apprendre que le fait d'avoir le rapport charnel pendant le ramadan, ça demande l'expiation de 2 mois. Maintenant, j'ai oublié que nous sommes pendant le ramadan, et je croyais que surtout si quelqu'un, c'est juste le premier ou deuxième jour du ramadan, peut-être qu'il l'oublie. Ou bien quelqu'un qui n'a jamais jeûné dans sa vie, c'est un reconverti, il est nouveau, c'est son premier ramadan, c'est le premier jour du ramadan, le deuxième, peut-être qu'il va oublier et il va peut-être faire le rapport. Est-ce que dans ce cas, il a l'expiation de 2 mois? Il n'a pas. Pourquoi? Parce qu'il a fait cette chose dans l'oubli. Et le Coran a dit, Rabbana la tu'akhidna in nasina. In nasina. Si on oublie. Et le hadith est très clair du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Abi Huraira radiallahu ta'ala anhu, que quiconque oublie et, yani, pendant le jeûne, et mange ou bien boit, qu'il termine sa journée, qu'il termine son jeûne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a nourri ou bien qui lui a fait boire. C'est un hadith authentique. Naam. Donc, c'est la deuxième condition. Donc la première condition, c'est quoi? C'est la science, il faut avoir la science. La deuxième condition, il faut se rappeler. Car je peux avoir la science et j'oublie. Et la troisième condition, c'est quoi? Très importante, c'est l'intention. Il faut avoir l'intention de faire cette chose qui annule. Car je peux savoir que telle chose annule et je n'ai pas oublié. Elle est dans ma tête. Je me rappelle que cette chose annule. Mais je la fais sans le vouloir. Non. Je la fais par exemple sous l'emprise par exemple de la contrainte. Par exemple, quelqu'un me met un revolver sur la tempe, il me dit tu bois de l'eau ou bien je te tue. Maintenant j'ai bu de l'eau, je savais que c'était haram. Non. Je me rappelle, je ne l'ai pas oublié, mais est-ce que je l'ai fait intentionnellement? Je l'ai fait sous la contrainte. Dans ce cas, mon siyam n'est pas annulé. Et la même chose, par exemple, quand quelqu'un, par exemple, fait un rêve érotique. Il fait un rêve érotique pendant la journée. Donc, le liquide spermatique est sorti, mais malgré cela, il ne va pas faire d'expiration ni rattraper le jour. Pourquoi? Ce n'est pas lui qui a fait sortir ce liquide. Non. Il n'avait pas d'intention, il est sorti de lui-même. C'est un peu aussi comme quelqu'un qui fait le wudu. Il fait le wudu. En faisant le wudu, quand il arrive à sa bouche, non, il va avaler de l'eau. Avaler de l'eau, c'est interdit. Mais celui-là sait que avaler de l'eau, c'est interdit. Mais il ne l'a pas fait exprès. L'eau est descendue et elle est tout seule dans son ventre. Est-ce que celui-là, on va lui dire de rattraper? On ne va pas lui dire de rattraper. Pourquoi? Car l'une des conditions pour rattraper, la troisième condition, c'est d'avoir l'intention d'annuler. Mais ici, il n'avait pas l'intention. Rouraba, est-ce qu'Inch'Allah Ta'ala s'est compris? Muslim, est-ce qu'Inch'Allah Ta'ala s'est compris? Alhamdulillah. Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. On va arrêter ici, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et puisque je suis chez des gens et qu'il y a des invités avec nous, donc Inch'Allah Ta'ala, on ne va pas faire des questions-réponses aujourd'hui. On va s'arrêter ici pour vous donner rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, mercredi prochain, Inch'Allah Ta'ala, pendant la veillée du Ramadan, si c'est possible. Sinon, ce sera, comme j'ai dit, samedi ou bien pendant la semaine. Tfadl Muslim, tfadl, je suis dans le micro. Non, il n'y a pas d'aubergines et de courgettes. Ils savent que s'il y a les aubergines et les courgettes, ils savent que non seulement je ne viens pas à la maison, mais je ne viens pas à la ville. La ville où il y a les courgettes, je ne tourne pas. Donc, il n'y a pas ça, Inch'Allah Ta'ala. Il y a, Inch'Allah Ta'ala, Allahu alam ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Il y a quelque chose qui s'appelle rishta. Tu connais ce que c'est rishta? Tu ne connais pas. Tu ne connais pas rishta. En France, il n'y a pas rishta. Mais il y a une chose. C'est que peut-être, Inch'Allah Ta'ala, peut-être, après ça, l'Isha, dans une heure ou là, une heure et demie ou là, peut-être, Inch'Allah Ta'ala, on va faire les questions-réponses. C'est-à-dire, maintenant, je vais aller à l'Isha. Ensuite, je reviens. Il y a le manger. Ensuite, après le manger, dans une heure et demie, deux heures, Inch'Allah Ta'ala, si vous voulez, on fait question-réponse. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.